inviter la personne qui nous a invités dans ses locaux, qui s'appelle Michel. On est dans un lieu qui s'appelle l'Espace Noir. Tu pourrais nous dire ce que c'est un peu que ce lieu d'ailleurs ? Oui, alors d'abord, on dit Espace Noir. D'abord, on dit pas l'Espace Noir, normalement. Oui, d'accord. Oui, mais et puis en Suisse, on dit bonjour. Bonjour. Donc, qu'est-ce qu'on fait à Espace Noir ? Bon, Espace Noir, c'est un centre culturel et social autogéré qui existe depuis 1986, enfin 1984, création de la coopérative, 2 ans de rénovation de l'immeuble et l'ouverture en 1986, donc sur des principes libertaires annoncés dès le départ. Évidemment, c'est pour ça que ça s'appelle Espace Noir. Et nous avons donc cette coopérative culturelle, sociale, qui s'investit dans les luttes et qui a comme infrastructure une taverne, un cinéma, un théâtre de poche qui fait salle de concert également, une galerie, une librairie et bien sûr un centre social. Donc, d'accord. Comment s'est passée un peu aussi l'organisation ? Parce que nous, on arrive en fin de compte de pas mal de lieux, puisque je crois qu'il y a des gens qui arrivent de toute la planète actuellement. On vient de rencontrer un Québécois qui avait du sperme. C'est toi qui m'en as parlé, Michel, c'est pour ça que j'en parle. Comment se sont créés les contacts autour de ce moment ? Puisqu'on va reparler tout à l'heure de Saint-Imier 1872, bien entendu. Oui. Mais là, c'est juste pour voir un peu comment sont faites les relations avec tous ces gens qui devaient venir. Eh bien, c'était un vieux projet de faire une rencontre anarchiste dans la région, à cause justement de l'histoire du congrès de Saint-Imier et tout ça. En fait, on se retrouve régulièrement depuis quelques années, avec les camarades de l'autre côté de la frontière. Donc, Jura français, Franche-Comté, Jura suisse. Et une fois à la librairie d'autodidacte à Besançon, y a des camarades qui disent « Mais si on faisait un congrès international, le fameux congrès international à Saint-Imier pour fêter, c'est les 140 ans en 2012, on était en 2010 ». Puis oh là là, ouais, c'est une super idée, mais les mecs, les copines, ça m'inquiète un peu parce qu'il faut qu'on ait les reins pour faire ça. On fonce. Et puis ma foi, on a commencé à envoyer des informations un peu partout sur le net et puis dans la presse libertaire. Et l'idée, c'était vraiment de réunir un peu toutes les tendances de l'anarchisme social, ceux qui s'investissent dans les luttes sociales. Et puis, finalement, beaucoup de réponses. Étonnamment, beaucoup de gens qui sont intéressés, puis on sent que la mayonnaise commence à prendre comme ça. Alors, on se dit, on y va, tant pis, on verra ce qui se passe. Et puis, à voir comment ça se passe, c'est, mis à part qu'on est crevé et puis qu'on ne sait plus où donner de la tête. C'est que le début. Et que c'est le début. Il semble que ça marche, que vraiment la mayonnaise a pris, parce qu'il y a des gens vraiment à la connaissance de carrément tout. Les continents, à part l'Antarctique. Et juste une chose, il y a combien de personnes en temps normal à Saint-Imier à peu près ? Il y a 4800 habitants. Oui. Là, on attend combien de temps ? Là, on se demande si on n'a pas déjà atteint les 3000 maintenant. C'est difficile à dire parce que on avait prévu deux campings de 2000 places à peu près chacune. Ils sont pleins. Et une halle de gymnastique n'est pas encore tout à fait pleine, mais qui s'avance. Et puis, des gîtes ont été loués à droite, à gauche, un peu. Et donc, on ne sait pas combien il y a de personnes. Oui, sachant qu'on est jeudi. Voilà. Et que ça dure jusqu'à dimanche. Ouais. Donc ça ne fait que monter. Ça a vraiment commencé qu'hier soir. Vraiment, voilà. Il y avait des tâches d'organisation, mais le meeting d'ouverture a eu lieu hier soir. Donc on en est dans tous les débuts. Comment c'est ressenti localement aussi ? Parce que moi, je me suis baladé un peu dans les rues et tout. C'est très agréable. Il n'y a pas de rejet, il n'y a rien du tout. Alors, c'est vrai que on a eu plutôt jusqu'à maintenant des bons échos. Mis à part, on sait qu'il y a des rumeurs, puis qu'il y a des gens qui se quittaient, qui est déjà avant, et puis évidemment, il y a des gens qui n'aiment pas Espace Noir, mais quand même, depuis le 1986, et le travail qu'on a fait avec notre centre culturel, on a acquis une certaine crédibilité, et puis donc il y a eu une certaine ouverture, y compris de la commune, qui nous a mis à disposition les locaux qu'on lui a demandés. Ben, moi, je sors d'une boulangerie, parce que j'aime beaucoup les boulangeries. Et en attendant, une personne... Les boulangeries ou les boulangères ? Non, les boulangeries. Oui, boulangeries. Il faut préciser. Je fais une grande étude sur les vendeuses en boulangerie aussi, mais c'est autre chose. Donc, je demande, et il y a un monsieur plutôt âgé qui a commencé à parler avec moi et qui m'a expliqué que dans une maison, il y avait visiblement sur le fronton un portrait de Bakounine qui a été pris, mais ça s'est fait d'une façon... moi, je prenais une tarte au comté, lui, il était en train de se demander ce qu'il allait prendre, une baguette ou autre chose. Et c'est vrai que là, il y a eu un accueil assez étonnant. Je veux dire, la boulangère s'en est mêlée aussi. Et on a discuté alors que... Ben voilà, on était juste dans la rue en train d'acheter du pain, quoi. Et on voit bien qu'il n'y a pas de tension. Oui, alors... évidemment, ici aussi, comme partout, il y a des gens d'extrême droite, mais on les voit jamais. Ils sont discrets. Ça fait quand même partie de l'histoire maintenant. Je cacherai pas que ça a été oublié, comme souvent, à partir de la guerre de 14-18, tout ça. Il y a eu une volonté de cacher cette histoire-là. Oui, autant de la gauche qui voyait une certaine concurrence, des anarchistes qui étaient bien contents de voir que le mouvement avait un peu régressé, et puis que de la part, bien sûr, de la bourgeoisie qui préférait oublier cette histoire. Petit à petit, à partir des années 50, il y a quelques historiens locaux qui se sont attachés à parler de cette histoire-là. Et puis, évidemment, avec la création d'Espace Noir, c'est ressorti au grand jour. Et maintenant, ça fait partie du patrimoine culturel de la région. Alors, même ceux qui ne sentent pas du tout des amitiés avec nous reconnaissent. J'ai vu des gens, j'ajoute ça encore, j'ai vu des gens que je sais qui nous critiquent et puis qui se méfient de nous, mais quand ils avaient quelqu'un de l'étranger qui venait les voir, quelqu'un de la famille ou comme ça, ils montraient Espace Noir. Oui, ça c'est devenu une... Alors juste une petite chose, on a vu aussi un journaliste qui est venu nous voir à un stand, qui voulait un peu nous poser des questions, et on lui demandait d'où il venait. C'est pas du tout un journaliste d'ici, je crois qu'il vient de Berne ou quelque chose dans ce genre-là, et qui dit, on nous a envoyé parce que théoriquement Saint-Imier c'est quand même le trou du cul du monde. C'est-à-dire, pour la Suisse, pour les gens, Saint-Imier, c'est rien du tout. Et on leur a dit qu'il y avait quand même un événement international fait par des anarchistes. Donc, on a dépêché des journalistes. Oui, mais alors, dans la conférence de presse qu'on a eue, il y avait des journalistes qui venaient partout, y compris d'Allemagne, de France, d'Italie, puis de toutes les zones linguistiques aussi de Suisse. La mayonnaise, elle a pris petit à petit. Au début, il n'y avait que les journaux locaux qui parlaient de ça, comme ça. Et puis, tout à coup, ça a commencé à démarrer à fond. Et puis, il y a toute la presse ressort. Quelquefois font manchette avec ça, quoi. Oui, moi, ce que je voulais ajouter, du point de vue de l'ambiance, il y a deux choses. D'une part, contrairement à ce qui se passe dans cette grande démocratie républicaine qu'est la France, où il y aurait eu 3000 flics, on n'a pas vu la police qui ne nous a absolument pas interpellés ni gênés. Je pense que c'est à souligner. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... On n'en voit pas. Il n'y a pas de présence. Alors, je suppose qu'il y en a ici ou là, mais il n'y a pas de présence qui pourrait déclencher de l'hostilité. Et ça, c'est tout à fait important. Il n'y a que les petites voitures municipales qui font pas sourd normalement, quoi. Et puis, ce qui montre aussi le fait que l'anarchisme fasse partie du patrimoine culturel du canton de Berne, c'est qu'il y a deux endroits au moins que j'ai repérés, plus la chambre de Bakounine que certains ont visité aujourd'hui. C'est pour les Parisiens qui nous écoutent en particulier, mais pas seulement, à Paris et dans un centre de ville de France, il y a des petits panneaux triangulaires qui racontent l'histoire locale. Et dans Saint-Imier, devant un hôtel, il y a un petit panneau avec Bakounine, James Guillaume et Sweet Gable, et qui dit, ici, en 1872, c'est créé à l'initiative de ces trois bonhommes, je ne sais pas quoi, telle chose. Et puis, il y a un autre endroit à côté du temple protestant, où il y a une espèce de colonnes en fer pour les touristes, toujours, où il y a marqué « changer le travail » ou « faire évoluer le travail ». Et il y a une grande citation de Kropotkin, qui a été un théoricien anarchiste important, ce qui montre bien quand même que la présence des anarchistes ici n'est pas qu'anecdotique, quoi. Oui, alors, je ne peux confirmer que ce qui a été dit tout à l'heure, mais ça ne veut pas dire que la moitié de la population est anarchiste. J'aimerais pas quand même donner trop d'illusions à nos camarades. C'est l'avenir. Oui, oui, vous y travaillez. Après, non, mais à partir de lundi. Oui. Ouais. Et puis, il faudra refaire les locaux, là, c'est un peu petit. Oui. 4008, hein, c'est quand même beaucoup. Un peu petit, il faut quand même dire que cet espace noir, que les copains qui nous écoutent sur Radio Libertaire, c'est 3 étages, je crois, Michel. C'est en mètres carrés, ça fait quoi? Oui, oui, c'est assez important. Bon, il y a aussi des appartements, hein, mais qui appartiennent à la coopérative propriétaire de l'immeuble qu'on a créé. Alors, en mètres carrés, je serais incapable de... Ah, c'est sur 3 étages, quoi. Oui, c'est sur 3 étages, et puis, c'est-à-dire... Espace noir, c'est grand, mais chaque secteur est petit. Le cinéma est petit, le théâtre est petit, la taverne est petite, la librairie est petite. C'est un peu l'inconvénient. Hein. Mais ma foi, on a dû faire avec les volumes qu'on avait à disposition, bien sûr. Alors, faut peut-être aussi préciser que toute l'activité de ce rassemblement se passe pas qu'à Espace Noir. Non. Alors, parle-nous un peu des autres lieux, puisque en fin de compte, quand on se balade dans le village, bon, il y a qui est plutôt une ville d'ailleurs, il y a tout, c'est partout quoi. On voit il y a des activités. Oui, un peu partout. Alors on a visé gros, effectivement. Il y a donc à la patinoire qui est pas en fonction en été, il y a le salon du livre. À la salle de spectacle, il y a des conférences, débats, il y a les tables rondes, il y a également le soir des concerts pour la partie festive. Il y a une tente près de la patinoire où il y a des projections de films. À Espace Noir, projections de films, concerts, conférence débat. Radio Libertaire aussi. Radio Libertaire aussi, qu'on héberge. Il y a une tente pour anarchissement. Il y a le congrès de l'IFA à la salle Saint-Georges. Et puis, au CCL aussi, quelques débats. CCL, ça veut dire ? Le Centre de Culture et de Loisirs. Et puis, débats et expositions au CCL. Oui, mais aux dernières nouvelles, elle n'était pas arrivée. Si, elle est là maintenant. Elle a ouvert ce matin. Ah, d'accord. Eh bien, c'est parfait. C'est une exposition sur les images et les affiches de l'Espagne révolutionnaire. Ça, c'est au musée. C'est au musée. C'est derrière le CCL. Oui, il y avait encore le musée, j'ai oublié. Ah, ouais. Et puis, alors, il faut que je le précise, c'est important, même s'ils ne sauront pas forcément que je l'ai dit, mais Mémoire d'ici, qui est un centre de documentation qui recueille un peu toutes les archives de la région et qui nous a donné spontanément un grand coup de main. Ils sont intéressés. Bien évidemment, eux connaissent plus que d'autres l'histoire de la Fédération jurassienne. Hugues, tu pourrais nous préciser un peu, parce qu'il y a le congrès de l'International des Fédérations Anarchistes, les délégations et d'où viennent un peu tous ces gens et les travaux qui s'y font. Voilà. Avant, quand les copains de la Fédération Anarchiste de Besançon avec les copains de la Fédération des Montagnes, donc qui sont les libertaires de Saint-Imier, ne participent pas à l'International des Fédérations Anarchistes. Il y a d'autres structures qui ne sont pas fédérées, mais qui sont libertaires autant que nous. Voilà. Et on s'est dit, ça serait peut-être une bonne idée, alors on en a parlé en secrétariat de l'International, de faire conjointement les deux manifestations, à la fois à Saint-Imier, ouvert au public dans toute son étendue et à toutes les organisations libertaires de France, de Suisse et d'ailleurs, surtout d'ailleurs, il faut bien le dire. Oui. Et puis en même temps, organiser le congrès de l'International des Fédérations Anarchistes, hein, pour montrer que, à la fois, nous avions des capacités de discuter ensemble, même si nous avons quelquefois des points de vue différents, non pas sur les finalités, mais sur la tactique. Hein, ce qui est bien normal. Et puis, par ailleurs, organiser autour de ces deux événements une dimension culturelle. Hein, parce qu'il faut souligner que Saint-Imier, c'est une dimension politique, mais c'est une dimension culturelle. Hein. Michel a parlé de films, il y a des concerts tous les soirs, il y a du théâtre, il y a des expositions, c'est des choses comme ça. Et c'est important aussi de montrer que ce mouvement libertaire historique a toujours eu un petit peu cette double pratique. On s'occupe de la lutte sociale et de la lutte de classe, d'un côté, l'analyse politique des sociétés. Et par ailleurs, on essaie de développer un certain nombre de cultures, soit qui nous sont propres, soit de permettre à tous ceux et à toutes celles qui sont privés d'une certaine culture de pouvoir y accéder. Donc on s'éduque et on essaie aussi de transformer les modèles sociaux qui nous sont imposés aujourd'hui. D'ailleurs, James Guillaume a écrit... Dis un mot sur James Guillaume, parce que... Oui, alors James Guillaume, c'était un personnage fondamental, central au niveau de la Fédération Jurassienne, parce qu'il était un des principaux rédacteurs du bulletin de l'association, des sections jurassiennes de l'Association internationale des travailleurs, bulletin qui est devenu un peu l'organe de liaison de la tendance anti-autoritaire. Et puis, il avait beaucoup réfléchi aussi sur la pédagogie. Il avait enseigné quelque temps, il s'était fait virer évidemment de l'école parce qu'il avait des idées un peu qui dérangeaient. Ça a été lui aussi qui a recueilli les archives et qui a sorti donc les deux bouquins sur la première internationale qui sont toujours référence en plus. Absolument. Et c'est lui aussi d'ailleurs qui avait invité Bakounine en 1869 pour parler aux ouvriers de Saint-Imier, du vallon de Saint-Imier, parce que c'était pas seulement de Saint-Imier, au restaurant de la Clé qui était un peu en dessus qui a été démoli depuis par l'armée d'ailleurs. Dans un exercice. D'ailleurs, exercice comme annonce. Il y avait un journaliste portugais qui était venu pour l'occasion, puis il m'avait dit mais qu'est-ce que vous pensez de ça. Puis je disais que je trouvais assez comique quand même que l'armée, elle avait attendre plus de 100 ans pour démolir le shtam des anarchistes. Et d'ailleurs, dernièrement, c'est dire si c'est quelque chose qui commence à s'inscrire dans les tripes de la région, le Locle, qui est à une vingtaine de kilomètres, à une place James Guillaume, puisque James Guillaume donc a enseigné au Locle. Voilà. Sachant que, juste un mot sur James Guillaume qu'il faut faire connaître, c'est que James Guillaume, bien qu'exclu de l'éducation, avait été demandé par Ferdinand Buisson, en France, donc était grosso modo le directeur de cabinet de Ferry, pour participer à la rédaction du premier dictionnaire pédagogique. C'est aussi pourquoi on le connaît en France. Voilà. Alors, ce qu'on peut aussi dire dans cette organisation de la rencontre de Saint-Imier, c'est que des femmes anarchistes ont décidé tous les matins d'apparaître dans une réunion, alors ouverte. Mixte ou fermé non mixte, d'apparaître pour discuter aussi des mêmes thèmes qu'il peut y avoir dans les différents débats. En particulier, on aura un thème sur la dette et comment la dette et la crise sociale impactent sur la situation des femmes, comme exemple. Mais aussi, et ça a été l'occasion des deux premières tables rondes, essayer de se donner des modalités pour que dans la rencontre de Saint-Imier, et là c'est de manière mixte que ça a été évoqué, tout se passe bien. Et je crois que ça c'est quelque chose d'important. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il n'y a pas la police omniprésente comme on connaît dans certains autres endroits où il y a des telles rencontres. Mais aussi à l'intérieur de cette rencontre, il nous a semblé important de bien sécuriser, d'apporter des espaces serein de débats, de rencontres, de convivialité et de se donner des chartes de bonne conduite. Et ce sont les femmes qui ont été à l'initiative et ça a été relayé immédiatement par un certain nombre d'hommes. Et donc, au travers de ces tables rondes qui ont lieu tous les matins, eh bien, des thèmes sont évoqués. Aujourd'hui, c'était le thème de la violence et ça a intéressé aussi bien les garçons que les filles. Je crois que ça, c'est aussi quelque chose qui est important en termes de convivialité et de bonne tenue de cette rencontre. C'est pas qu'on pense que ici c'est pire qu'ailleurs, mais on voulait démontrer aussi que quand il y a 3000 anarchistes qui sont réunis, eh bien, on a la responsabilité que ça se tienne bien, et c'est des responsabilités individuelles comme des responsabilités collectives. Alors, ce qu'il faut peut-être ajouter, je ne sais pas, c'est au-delà de la question de la sécurité des unes et des autres, c'est aussi la façon dont la logistique alimentaire a été mise en place. C'est les cantines des camarades allemands qui est français d'ailleurs, parce qu'il y a la marmite de Grenoble qui autogère la restauration et ça change. Une cuisine internationale. Voilà, et on peut participer à l'épluchage des légumes, même si les cuistots sont des professionnels, on va dire. Et après, on peut manger. Alors c'est strictement végétarien, ce qui est végétalien, ce qui est un peu critiqué par certains d'entre nous. Alors juste une petite chose. Dans moi. Végétarien, certes, mais bon. Oui. Moi, j'ai déjà participé à pas mal de lieux végétariens où on en était encore au chou bouilli. Oui. Ce qui est loin d'être le cas. Oui. C'est important de dire, c'est que dans nos rencontres, il y a des expérimentations réelles d'autogestion. On ne fait pas qu'en causer. Oui. C'est-à-dire que ces cantines qui sont plutôt animées par des Allemands et quelques Français ici, c'est des choses qui fonctionnent depuis longtemps sur cette modalité-là. C'est-à-dire que c'est aussi de l'anarchisme pratique ici. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de causer idéologiquement. On met en œuvre des pratiques autogestionnaires. Oui, même si elles sont limitées, il ne faut pas non plus rêver, mais on y apprend beaucoup de choses. Ouais, on peut parler, par exemple, du rapport financier à la nourriture. C'est-à-dire que le rapport financier, un prix a été fixé, en gros, sur la nourriture d'une personne pour une journée. Et en fin de compte, quand on va manger, c'est bon, on met l'argent comme ça, c'est tout. Je veux dire, il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien du tout, sachant que, de toute façon, naturellement, ça se passe bien. C'est quelque chose qui ne pose pas de soucis. Non, pas naturellement. Culturellement, ça se passe bien. D'accord. C'est-à-dire que la nature des anarchistes n'est pas différente de celle des autres, mais la culture des anarchistes est différente, et effectivement, on peut s'autoriser à faire soit des prix libres, soit simplement en faisant confiance aux camarades pour donner ce qu'ils doivent donner, parce que la culture est différente. Et ça, c'est pas la même chose que la nature. Chers camarades. Vieux débat sur la nature humaine. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait... Je te rappelle que Rousseau était un peu suisse. Oui. Mais Rousseau n'a pas dit que des choses intelligentes. Non plus, d'ailleurs. Mais moi, je ne dis pas toujours des choses intelligentes, c'est pas vous, mais... Nous, mais Philippe. Vous êtes bien gentil. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait montrer de typique dans ce programme? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est totalement impossible de participer à tout. Non. Alors, je sais pas, quelques coups de projecteur. Bon, je pense que ce qui est le plus important, c'est les tables rondes. Hein. Je vous laisserai les citer. Je dois dire que, en tant que une des personnes, parce que je tiens à préciser, on a dit c'est Michel Némitz qui invite, c'est pas tout à fait exact. Non, mais on n'a qu'un seul micro, hein. C'est pour ça. Hein? C'est parce qu'on n'a qu'un seul micro, hein. On ne pouvait pas faire venir tout le monde. Hein. Non, pour dire que ce sont les camarades d'Espatant, de la Fédération Libertaire des Montagnes, et qu'ils en ont fait autant que moi, et pour certains même plus que moi. Donc, il y a les tables rondes, il y a les conférences, donc qui sont aussi très importantes. Certains donnent beaucoup d'importance aussi aux concerts, et c'est vraiment très large. Hein, ça va du punk rock à Serge Gainsbourg. Donc, il y a vraiment pour tous les goûts. Moi, je n'ai pas beaucoup assisté à des conférences, parce que je n'ai assisté qu'aux conférences où je prenais la parole. Parce que je suis sollicité de toutes parts. On a évidemment un certain nombre d'informations, nous, que ne peuvent pas avoir les autres camarades, ce qui fait qu'on est extrêmement sollicité. Non, mais ce qu'on peut dire, c'est que quand même dans les conférences comme dans les tables rondes, il y a énormément de personnes qui viennent. Je ne sais pas toujours le pourquoi du comment, mais en tout cas, le programme, il a été extrêmement bien approprié par chacun. Chacun fait son choix, mais on a facilement 200, 500 personnes qui, dans un même lieu et avec des débat. Alors, on apprend aussi à parler ensemble, hein, bien sûr, et donc à pas parler trop longtemps pour permettre à chacun de pouvoir s'exprimer, mais avec des débats dans plusieurs langues, donc avec des traductions. Je crois que c'est quand même quelque chose d'important à dire, parce qu'on ne l'a pas encore dit, c'est une rencontre internationale, donc avec des langues diverses et variées, on arrive à débattre et à apporter de l'information à des jeunes. Il y a énormément de jeunes sur le lieu, hein, dans la rencontre. Moi, je suis épatée. Il y a toutes les générations, mais il y a énormément de jeunes. Et je crois qu'il y a de l'information là qui passe, il y a des débats, il y a des échanges. et pourtant on n'a pas le même, la même langue pour communiquer. Oui, mais je pense que, alors c'est conjoncturel là aussi, mais il semblerait que dans un certain nombre de pays, on en reparlera peut-être tout à l'heure autour de, du Congrès de l'International des Fédérations Anarchistes, il y a un frémissement en termes de renouvellement du mouvement libertaire. Hein. C'est-à-dire que la vieille idéologie marxiste-léniniste s'est effondrée partout. Cuba est un des derniers bastions avec la Corée. Et aujourd'hui, les gens qui considèrent que la société libérale est assassine essaient de trouver d'autres modalités. Et petit à petit, soit ils réinventent l'anarchisme sans savoir qu'ils en font, et d'autres nous ont rencontrés un petit peu par hasard et essayaient de pousser leurs réflexions et leurs pratiques sur ce champ-là. Et je pense que, alors, j'espère qu'on en reparlera dans 140 ans, quand on fera... Oh, peut-être un peu avant, quand même. Peut-être un peu avant. Peut-être que Saint-Imier, historiquement, c'est ce que je souhaite toutefois, marquera le renouveau du mouvement libertaire international, que ce soit dans le vallon de Saint-Imier, que ce soit sur le Jura dit français, et voire au niveau international. Parce que là, on disait, on en parlera tout à l'heure, les délégations sont du monde entier, quoi. Et même de pays où il n'y avait pas de tradition libertaire, ce qui est tout à fait intéressant. Hein. Oui, que toi, qu'il y ait des libertaires suisses qui viennent ou des libertaires espagnols, même s'ils sont moins nombreux que trois fois, ils ont survécu. Aujourd'hui, apparaît des embryons d'organisation anarchiste dans des pays où il n'y a pas de tradition anarchiste. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement intéressant. Et ces gens se sont déplacés. Mis à part quelques-uns qui ont eu des problèmes de visa. Ça, on le regrette bien, parce qu'il y avait pas mal de camarades du Maghreb qui avaient envie de venir. Il en est venu, mais certains n'ont pas pu venir. Et un camarade chinois de Pékin qui malheureusement n'a pas eu les documents, n'a pas reçu ses documents et qui n'a pas pu obtenir non plus le visa à cause de ça. Je voulais dire aussi une chose qui m'a beaucoup interrogée donc par rapport à l'organisation, c'est que au moment, dans le cadre de la conférence anarcho-féministe, les femmes ont demandé qu'un lieu sécure soit mis en place au cas où il y ait des violences ou des agressions. Et ce lieu a été aussitôt mis en place. Et je trouve que l'initiative d'une demande qui a été faite et une réponse qui a été apportée est aussi très importante. Ouais, sachant que ce lieu n'a pas servi quand même. Ce lieu n'a pas servi. Pour l'instant. On espère qu'il ne servira pas. Mais justement parce qu'on a eu un débat, on va dire, éducatif. C'est-à-dire qu'on a posé le problème au début, de manière à ce que ça soit de la prévention et pas attendre qu'il y ait un petit dérapage comme il y a dans tous les endroits où il y a des milliers de gens, hein, tout simplement. Ne pas attendre un petit dérapage pour réagir. Mais on a assuré la prévention. Oui. Et je trouve que c'est bien l'idée des anarchistes aussi d'être en capacité d'organiser, de prévenir, d'éduquer, pour pouvoir mieux agir après et mieux penser aussi. Sachant que ce lieu sécure est mixte. Faut le dire aussi.